Le spectacle des ouvriers et des syndiqués sous thème « Nous irons toujours sur cette voie suivant le parti » pour célébrer le 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée a eu lieu le 16 courant à la maison de la culture du complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae.